partir d'ici, la vitesse est limitée à 30 km/h. Puis-je aller en face ou dois-je aller ailleurs? Ce panneau indique une impasse. Si je la prends, je n'aurai pas d'autre solution que de faire demi-tour. Cette rue n'est donc ni en sens interdit, ni à sens unique. Réponse B et D.